avec des cris de triomphe. J'appa ma coffre naviguer les guerres. Avec des cris de joie. Et ta chambre comme un homme. Chambre comme un go. Bénissons le Seigneur, le Dieu du tournant décisif. Nous marchons avec lui et lui, il nous soutient. Alléluia. Amen. Aidez-moi à dire aux frères ou à la sœur que nous sommes dans le tournant décisif. Dis-lui encore que c'est un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Dites-moi la personne qui a rencontré Dieu. Je vous donnerai son histoire. Si vous me présentez quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, cette personne a absolument une histoire avec Dieu. Dieu est celui qui change l'histoire parce qu'il a le contrôle sur le temps et les circonstances. Les circonstances du temps présent ne seront pas forcément les mêmes demain. Parce que Dieu, il est celui qui progresse avec son peuple. Et je crois fermement que Dieu est en train de travailler les circonstances de notre vie pour les changer et les transformer. Alléluia. Amen. Les temps des grandes moissons sont toujours précédés des moments comme celui-ci. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose avec son peuple, que ce soit un homme, une femme individuellement, que ce soit tout un peuple, Dieu prend soin toujours de vous mettre de côté pour vous parler. C'est comme ça qu'il a dit à Israël, je vous ai amené jusqu'ici parce que je voulais parler à votre cœur. Parler à votre cœur parce que vous portez une grande mission. Et je bénis Dieu parce qu'il est en train de parler à notre cœur. Alléluia. Amen. Nous sommes au 15e jour. Léo ni siku ya 15. Je dirais même 16e jour parce que nous avons commencé le 31. Siku ya 16. Et jour pour jour, le Seigneur est en train de nous soutenir. Na kila siku ipitayo Bwana iko na tusamini. Vous avez encore l'énergie pour le jour qui reste? Je mungaliki na nguvu. Est-ce qu'on peut bien se manifester si vous avez bien l'énergie? Muna nguvu ya gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Hallelujah. Nous avons commencé avec Dieu. Tulianza pamoja na Mungu. Et nous allons achever avec le Seigneur. Na tutamaliza na Mungu. Je ne veux pas m'arrêter au milieu. Sita simamia katikati. Quelle que soit la forme de preuve. Je vais aller jusqu'au bout. J'aime une parole de l'apôtre Paul. Napenda neno moja ya mtume Paulo. À ce temps, il disait, bien-aimé, alikuwa akisema wapendwa, soyez ferme. Muwe mujisimame yako. Inébranlable. Musijiache kubomoka. Travaillant de mieux en mieux. Mutumike zaidi na zaidi. À l'œuvre du Seigneur. Kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Na mkijua kwamba kazi yenu ya kazi mnayofanyia Mungu haitakuwa bure. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Nina habari njema kwa ajili ya leo. Le travail dans le Seigneur. Kazi ambayo tunafanya kwa ajili ya Bwana. Votre travail pour Dieu. Kazi unayofanyizia Mungu. Votre sacrifice pour Dieu. Hiyo kujitoa kwako. Il ne sera pas vain. Haitakuwa bure. Tout ce que vous faites pour Dieu, ce sont des semences. Et que vous le vouliez ou pas, na upenda usipopenda, à un moment donné, Dieu envoie la pluie sur ces semences-là. Kwa muda fulani, Bwana analeta mvua juu ya hiyo mbegu. Et ces semences produisent de fruits. Na hiyo mbegu inazaa matunda mengi. La Bible déclare qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Biblia inasema ni yeye anapatia mshahara wale wanaomtafuta. Vos prières seront rémunérées au moment opportun. Maombi yenu italipwa kwa muda unaofaa. Vos sacrifices seront rémunérés au moment opportun. Sacrifice zenu Les louanges qui sont faites à ces lieux seront rémunérées à un moment important. Parce que Dieu ne méprise pas ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. L'amour pour Dieu est toujours récompensé. L'attachement à Dieu est toujours rémunéré. Et cette semaine, nous avons été richement bénis. Na wiki hii tumebarikiwa sana. Surtout, nous avions des enseignements aussi l'avant-midi pour le serviteur. Zaidi, watumishi wa Mungu tulikuwa na mafundisho usubuhi. Et l'après-midi, nous étions encore aussi davantage édifiés. Na mchana tulibarikiwa tena zaidi. Je voudrais aussi annoncer que la semaine prochaine, natamani kuwatangazia kama wiki ijayo, nous allons avoir des activités aussi l'avant-midi. Tutakuwa vile vile na mikutano asubuhi. Nous avons une série de conférences que nous allons organiser. Tuna makongamano tutaandaa à partir de lundi jusqu'à vendredi. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano. Et ce sera de 9h à midi. Nitakuwa pasa tatu za usubuhi mpaka saa sita za mchana. Nous allons discuter des stratégies ou des approches qui peuvent vous permettre d'être une personne d'impact. Tutaongelea mbinu ambazo zinaweza kufanya kwamba wewe uwe mtu wa kushawishi. Ces conférences sont à complément à tous les enseignements que nous sommes en train de recevoir l'après-midi. Hizi kongamano zinaongeza mafundisho juu ya yote ambayo tumepokea. Et nous allons organiser ces conférences dans le cadre de notre programme For Elite. Tutanda kongamano hizi katika mradi wetu wa For Elite. For Elite, ça signifie simplement Forum des élites de transformation. For Elite inamaanisha forum des élites pour la transformation. Ama mkutano ya wale waliowekwa kando. C'est une stratégie qui nous permet d'aller dans les universités, ni mbinu ambayo tunatumia kwa kufika katika ma university, dans les écoles, ndani ya masomo, dans les milieux professionnels, ndani ya manafasi za kazi, pour partager l'évangile, kwa kuweza kuchangia neno la Mungu, mais avec un message qui est adapté, tukiwa na ujumbe inayokuwa kwa level yao, adapté à ces milieux. Neno inakuwa kwa level ya hizo nafasi. Vous savez, les écoles et les universités, masomo na university, c'est la pépinière qui prépare ceux qui vont diriger la nation. Inakuwa chemchemu ya watu ambao wataongoza nchi. Et ce sont des lieux qui ont été affectés ou infectés par l'ennemi. Ni nafasi ambazo adui alivamia zaidi. Et la conséquence est ce que nous vivons dans certains pays en Afrique et dans le monde. Na matokeo ni yale tunayoishi katika Afrika na ulimwengu. Nous croyons que l'évangile c'est une puissance. Tunaamini kama injili ni nguvu. Et il a la capacité, le potentiel de changer une société. Na linakuwa na utajiri la kubadilisha mazingira. Et lorsque nous allons dans ces milieux, na tunapoenda katika hizo na nafasi, c'est pour apporter ce message, ni kwa kuweza kuleta ujumbe huu, et encourager toutes ces personnes à intégrer les valeurs chrétiennes dans leur mode de vie. Na kutia nguvu wale watu ili kwamba wawe na mida za Kikristo. Et le thème que nous allons aborder, na mada ambayo tutazungumzia, pendant la semaine prochaine, je parle de conférences. Katika hizo kongamano za wiki ijayo, ce sera le rôle des élites pour l'émergence d'une génération d'impact. Inakuwa ni kazi ya waliowekwa kando kwa ajili ya kukomaa kwa ushawishi. Si vous avez un ami étudiant ou une étudiante, kama una rafiki anayekuwa mwanafunzi wa university, ou des élèves de 5e année à 6e année secondaire, ama wanafunzi walio katika chuo kikuu cha 5 ou ceux qui font une profession quelconque, wote wanaofanya kazi fulani, je vous invite à les inviter à ces conférences-là. Ninawaomba muwalike kwenye kongamano hizo. Alléluia. Amen. Notre papa disait tout à l'heure que l'homme ou la femme établie produit des fruits. Baba alikuwa akisema kama mke ama mume aliyeshimikwa anakuwa kizaa matunda. Et les choses que nous allons discuter, c'est un équipement qui vous permet de voir comment vous pouvez porter de fruits dans la société où Dieu vous a établi. Mambo tutakayozungumzia inakuwa akiba ya kuwasaidia kuzaa matunda huko ambapo Mungu amewaweka. Alors je suis heureux ce soir de partager quelque chose dans le cadre du grand thème que nous sommes en train d'aborder. Ninayofurahi kujadiliana pamoja nani kuhusu jambo inayokuwa katika mada yetu kubwa. Nous parlons de quand Dieu vous établit. Tunaongelea kama mada wakati Mungu anakushimika. Et de la puissance qui est derrière votre établissement. Na nguvu iliyo nyuma ya kushimikwa kwako. Beaucoup de choses ont été dites. Vitu vingi vimesemeka. Des déclarations prophétiques ont été données. Matamko ya kinabii imesemekwa. Il y a des choses merveilleuses qui ont été déclarées ici. Pana vitu vizuri vimesemeka mahali hapa. Depuis le début de ce programme. Tangu mkutano huu umeanza. Et je crois que chacun d'entre nous est en train de saisir sa part. Na ziani kila mmoja iko na chukua sehemu yake. Notre papa a commencé à parler des piliers piliers de l'établissement. Baba alikuwa kianza kuongelea misingi ya kushimikwa. Ce qui soutient l'établissement. Mambo yanayosapoti kushimikwa kwetu. Quand vous êtes établi par Dieu, qu'est-ce qui vous soutient dans cette situation? Unaposhimikwa na Mungu, nini inakupatia kusimama imara? Il a même parlé de la qualité de vie de la personne établie. Aliongelea uzuri wa maisha ya mtu aliyoshimikwa. L'apôtre John, il a beaucoup parlé du combat de notre destin. Mtume John ameongelea zaidi vita vya hatima zetu. Il a parlé du contenu et de la forme de notre destinée. Il a parlé du contenu et de la forme de notre destinée. Na aliongelea vile vilivyo ndani ya hatima yetu. Et nous a montré que l'ennemi travaille pour davantage détruire, nous désorienter. Na alionyesha namna gani adui anatumika ili kwamba atubomoe na tuelekeze kwa njia nyingine. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu préserve ce qu'il a investi en vous. Habari njema ni kwamba Mungu anakinga kile ameweka ndani mwako. Quelle que soit les stratégies de l'ennemi. Haijalishi mbinu wapi shetani ameweka na hapo. Quelle que soit sa colère et sa haine. Haijalishi sa colère et Asira sa haine, la haine de l'ennemi, yake, Dieu il prend soin de ce qu'il a investi en vous. Mungu anakinga vizuri kile ameweka ndani mwetu. Alléluia. Amen. Et ce soir, jioni ya leo, je voudrais méditer sur un thème. Ngelitamani kuhubiri kuhusu mada. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu vous établit? Nini inafika wakati Mungu anakushimika? C'est juste une question. Inakuwa ni swali. C'est une question à laquelle je voudrais qu'on réponde ensemble. Swali ambao tutajibu sote pamoja. Quand Dieu vous établit, wakati Mungu anakushimika, qu'est-ce qui arrive? Kitu gani kinafikia? Autrement, je suis en train de parler de la provision qui est attachée à votre établissement. Hapo naongelea akiba inayoambatana na kushimikwa kwako. Mais demain, par la grâce de Dieu, kesho kwa neema ya Mungu, je voudrais parler de la saison du déploiement. Ningelitamani kuzungumzia kuhusu majira ya ya kutumwa. Tout homme, toute femme, kila mwanamke na mwanaume, lorsque Dieu l'établit, wakati Mungu anamshimika, un temps arrive, muda unafika ambapo, où Dieu crée les circonstances, Mungu anaumba majira, où il te déploie, ambapo anakutuma. Et il est important, na ni ya muhimu sana, que vous soyez capable de lire les signes des temps, ya kama mujue kusoma alama za nyakati, pour savoir la bonne action qu'il faut poser, ili kwamba ujue nini utafanya, parce que Dieu crée un environnement favorable, sababu Bwana anaunda majira mazuri, qui est attaché à votre établissement, ambayo inasaidia kushimikwa kwako. Alors pendant quelques minutes nous parlons qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu vous établit? Nini inafika wakati Mungu anapokushimika? Qu'est-ce qui accompagne votre établissement? Nini inakusindikiza wakati Mungu anakushimika? Quelle est la provision qui s'attache à votre établissement? Akiba gani inaambatana na wewe unaposhimikwa na Mungu? Parce que quand Dieu vous établit, Mungu akikushimika, il y a nécessairement des effets. Akika pana matokeo. Il y a des conséquences. Pana matokeo mazuri. Il y a des choses qui s'attachent à vous. Kuna vitu vinashikamana nawe. Absolument. Parce que quand Dieu parle, mana Mungu akiongea, sa parole est vie. Neno lake ni uzima. Et sa parole contient une substance. Neno lake linakuwa na utajiri. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes établi, mukishimikwa na Mungu, juste pour comprendre un peu le concept, tujaribu kuelewa namna gani tunaendelea. Si vous êtes, lorsque vous êtes établi, wakati unashimikwa, ou quand Dieu vous établit, ama wakati Mungu anakushimika, il vous donne le mandat de faire ou d'exécuter quelque chose. Anakupa uwezo wa kutimiza jambo fulani. C'est le sens de quand Dieu vous établit. Ndio maana ya Mungu anapokushimika. Il vous donne le pouvoir de réaliser quelque anakupa chose. Anakupa mamlaka ya kutimiza jambo. Il vous donne le mandat de le représenter. Anakupa wajibu ya kumuwakilisha. Il vous donne le privilège d'agir à son nom. Anakupa fursa ya kufanya mambo kwa jina lake. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu pèses bien ce mot. Ningelitamani uelewe maneno haya. Le privilège de parler au nom de Dieu. Anakupa fursa ya kuongea kwa niaba yake. C'est comme ça qu'il y a ceux qui nous ont précédés qui pouvaient dire sans ma parole, il n'y aura pas de pluie ici. Kuna watu walitutangulia wakasema bila neno langu hakutakuwa mvua. Il y a quelqu'un qui a même dit jusqu'à ce que j'achève mon combat que le soleil s'arrête. Na mwingine akasema hadi mpaka vita vyangu vikwishe ndipo jua itatumika tena. Dieu a établi des lois naturelles. Mungu ameweka sheria. Mais lorsqu'il vous établit, lakini anapokushimika, il vous donne la capacité. Anakupa uwezo. Il vous donne le pouvoir. Anakupa mamlaka. Même d'interférer dans ces lois naturelles. Ya kubadilisha hizo sheria zake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la dimension spirituelle de l'établissement. Tuko naongelea ngazi za kiroho unaposhimikwa na Mungu. Voyez même Jacob à un moment donné. Tizameni Yakobo kwa muda fulani. Il appelle ses enfants. Anaita wana wake. Et en vertu du pouvoir que Dieu lui a donné. Na kwa mamlaka amepewa na Mungu. Il commence à dire des choses sur ses enfants. Anaanza kukiri mambo juu ya watoto wake. Il commence à déclarer des choses sur ses enfants. Anakiri maneno juu ya wana wake. On dirait il est en train de prendre la place de Dieu pour dire ce que sera le destin de ses enfants. Ni kama gisi anachukua nafasi ya Mungu kwa kusema nini watoto wake watakuwa kesho. En fait, c'est un homme établi. Ni mtu aliyeheshimika. Il a le mandat de mobiliser le ciel et le ciel il répond. Ana mamlaka ya kuita mbingu na mbingu zinamjibu. Je prie que Dieu puisse être mobilisé à ta faveur. Naomba Mungu asimame kwa ajili ya faida yako. À cause de ce processus dans lequel il nous a engagés. Kwa ajili ya hii safari ambamo ametuweka. Alléluia. Amen. Et dans cette génération, katika kizazike, je prie que Dieu lève les hommes et les femmes. Naomba Mungu ainue wanawake na wanaume. Qui peuvent se lever. Ambao wanaweza kuakisimama. Qui peuvent faire des déclarations. Wanaweza kukiri mambo. Qui changent l'environnement. Mambo inaobadilisha mazingara. Alléluia. Amen. Deux choses essentielles. Kuna vitu vya muhimu. La force d'un mandat dépend de celui qui vous l'a confié. Nguvu. La force d'un mandat. Nguvu ya kuwakilishwa. Ama nguvu ya kazi inalingana na yule amekushimika. Dépend de celui qui vous a établi. Inalingana na yule aliyekushimika. Et papa le disait tout à l'heure. Baba alikuwa akisema. La faiblesse de beaucoup de chrétiens. Udhaifu ya wakristo wengi. Nous ignorons ce qu'est Dieu pour nous. Tunasahau Mungu ni nani juu yetu. Alléluia. Amen. Nous ignorons, nous ne savons pas ce qui est Dieu pour nous. Atujue Mungu ni nani kwetu. La force d'un mandat. Uwezo wa mamlaka. La force de l'établissement. Uwezo wa kushimikwa. Dépend de celui qui vous l'a confié. Inalingana na yule ni nani amekupatia. Je dirais même que la supériorité d'un mandat. Kwa ingine musemwa ukubwa wa mamlaka. Est déterminée par la hauteur et la grandeur de celui qui vous l'a confié. Inalingana na ukubwa ya yule mtu amekupa mamlaka hiyo. Vous savez, nous pouvons être à deux avec mon frère Christian. Tunaweza kuwa wawili pamoja na mchungaji Richard. Et moi je précède, je viens dire à ceux qui sont voilà ce que nous allons faire ainsi de suite. Mimi natangulia nikisema tutafanya hivi na hivi na hivi. Et si Christian vient après moi? Na kama mchungaji Richard anakuja baada yangu. Non, c'est toi Christian. Moi je suis venu avant. OK. Okay. Nasema kama jinsi anavyosema. Asante. Maintenant, si Christian vient après moi, kama Christian anakuja baada yangu, et qu'il dit par exemple, na nasema, je viens de parler avec le pasteur, le révérend, nimeongea pamoja na reverend, et il dit que nous allons faire ceci ou cela. Na nasema tufanye hivi na hivi. Et si moi je n'avais pas rencontré le révérend qui est la personne responsable, na kama wewe ya mamimi. OK. Moi, je suis venu dire au départ aux amis, voici ce que nous allons faire. Mchungaji amesema kwa watu, tutafanya hivi. Mais quand toi tu viens, wakati mimi nakuja, tu viens déclarer, même quand j'avais déjà dit des choses. Mimi nakuja kukiri, hata wakati yeye alikuwa amesema mambo. Tu dis que je viens d'une réunion avec le révérend, donc le numéro 1 de notre mimi nasema, congrégation. Nimetoka kuonana na kiongozi mkuu wa kanisa letu. Il dit, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Yeye anasema tufanye iki na iki na iki. Alors si des choses que moi je disais peut-être venaient d'une autre réunion, kama vitu mimi nilisema vilitokana na ingine mkutano, en vertu de l'autorité qui est confiée à celui qui lui a donné des choses, kulingana na mamlaka inotokana na yule kiongozi aliyenipa maneno yake, même si c'est une contradiction, hata kama inapinga vyote venye mchungaji, même si ça va m'humilier, hata kama ni vya kumwaibisha, je vais simplement dire ignorer tout ce que je vous ai dit, suivant seulement ce qui vient de vous. Nitasema mwache vyote venye yeye alifanya, alisema na mfuate venye mchungaji mkuu alisema. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu élève au milieu de nous, naomba Mungu ainue katikati yetu, des hommes et des femmes wanawake na wanaume, qui vont parler au nom de Dieu, ambao watasema kwa niaba ya Mungu, de la part de Dieu, waongee kwa niaba ya Mungu, pour annuler, pour contredire, kwa kuondoa, pour mettre fin, kwa kumetia mwisho, à des situations, kwa majira, afin que tout le monde puisse prier pour ce Dieu qui a parlé, ili kwamba kila mtu aombe Mungu wao. Alléluia. Amen. La force du mandat. Nguvu ya mamlaka. Et dans cette génération, katika kizazi hiki, Dieu nous a établi. Mungu ametushimika. Dans Jean chapitre 15, un verset que nous avons lu depuis le début, verset 16-17, il a dit que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi et afin que vous alliez, que vous portiez de fruits. Comme Dieu est grand et puissant et il est vivant, vous avez donc la garantie qu'il y a la vie et la puissance dans ce qu'il vous confie de faire. À la deuxième chose essentielle, quand Dieu établit, il donne la provision. Et c'est de cela que je voudrais parler ce soir. Ce qui arrive quand Dieu vous établit, c'est une vérité fondamentale, bien-aimé. Quand Dieu établit, Il donne toujours la provision. Analeta akiba tu. Ça, c'est une vérité fondamentale. Hii ni kweli ya kuweka. La provision, je n'ai pas besoin de la voir avec mes yeux physiques. Akiba naweza kuwa siyaoni na macho yangu. Mais elle est là, elle existe. Lakini akiba iko. Elle produit des effets. Akiba inajitumikia. Dans mon environnement. Ndani ya mazingara. Elle entraîne des conséquences. Inaleta matokeo fulani. Vous ne pouvez pas forcément voir la provision. Unaweza kuwa auone akiba, mais vous allez voir les conséquences de ces provisions. Lakini utaona matokeo ya par des choses qu'on peut observer. Kwa mambo ambayo unaweza par des choses qu'on peut quantifier. Kwa vitu ambayo unaweza kuhesabu. Dieu, il donne toujours la provision. Mungu anapana akiba tu. Même si je ne peux pas le voir physiquement. Hata kama naweza kuwa siyaoni kwa kimwili. Il est évident que Dieu, il a donné sa provision. Hakika Mungu amepana akiba yake. Alléluia. Amen. Avec Dieu, pamoja na Mungu, mon avenir est meilleur que mon présent. Kesho yangu ni njema kuliko leo. Avec Dieu, pamoja na Mungu, mon présent de demain est meilleur que mon présent, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Kesho yangu ni njema kuliko leo. Alléluia. Amen. Parce que la provision de Dieu, même si je ne la vois pas, mana akiba ya Mungu hata kama siyaoni, elle est en train d'agir à ma faveur. Iko nafanya mambo kwa faida yangu. Elle est en train de travailler à ma faveur. Iko natumika kwa faida zangu. Elle est en train de travailler les circonstances de ma vie. Iko natengeneza majira ya maisha yangu. Elle est en train de gérer le temps de mon existence. Iko nalinda nyakati za kuwa kwangu. Même si je suis méconnaissable aujourd'hui, hata kama leo sijulikani, il existe une provision par rapport à mon établissement. Kuna akiba itakayosaidia kushimika. C'est pourquoi je peux espérer un avenir meilleur. Aide-moi, Seigneur, à dire à quelqu'un, espère un avenir meilleur avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire avec foi? Espère un avenir meilleur. Bien-aimé, les 20 années qui viennent sont meilleures. Alléluia. Amen. Et ça peut commencer même demain avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas ce que tu as été aujourd'hui. Et nous le serons kesho dans le meilleur. Alléluia. Amen. Ah, tu es au bon endroit avec le Seigneur. Et nous croyons que quand Dieu parle, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Dans Hébreux, il dit, c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence. Katika Waebrania ndio maana Mungu amewaonesha hiyo na uhakikisho wote. Aux héritiers, la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Kwa wale warithi wa ahadi, il est intervenu par un serment. Alikuja kwa kiapo. Juste quand Dieu il dit quelque chose, il veut vous rassurer qu'il le fera. Mungu anapoahidia kitu, anapenda kuhakikisha kama atayatimiza. Alors, je voudrais parler rapidement de qu'est-ce qui se passe. Nini inapitika? Quand Dieu vous établit. Wakati Mungu anakushimika. Peut-être je pourrais aborder deux ou trois aspects ce soir. Nitongelea vitu viwili ama vitatu. Connaître ce qui arrive quand Dieu vous établit. Kujua kile ambacho kinafika wakati Mungu anakushimika. Est très fondamental. Ni kia muhimu zaidi. Parce que ça vous donne une assurance. Mane nakupa hakikisho. Ça vous donne une stabilité. Inakupa kusitawi. Ça vous donne des raisons d'espérer. Inakupa matumaini. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être découragé ce soir. Usikatike matumaini. Parce que vous avez été choisi par Dieu. Kwa sababu wewe Mungu amekuchagua. Il vous a établi. Anamekushimika. Et il prévoit que vous puissiez aller. Na ameandaa kwamba wewe utaendelea. Que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Na ufanye mambo kwa ajili yake. La première chose même qui peut faire l'objet de votre assurance, de votre fierté. Kitu ya kwanza ya kufanya kwamba wewe ujisamini. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Yesu anasema si ninyi mmenichagua. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Lakini ni mimi nimewachagua. C'est déjà un privilège que Dieu ait porté son choix sur moi. Hiyo ni furaha kwetu. Bien-aimé, ce passage ne concerne pas seulement les 12 apôtres. Mupendwa, hii ujumbe haihusu tu wa mitume 12. Il parlait à ses disciples. Alikuwa akiongea na wanafunzi wake. Et je peux voir quelques disciples ce soir, quelqu'un qui se reconnaît disciple de Christ. Nani mwanajitambua kuwa mwanafunzi wa Yesu? Non, je veux me rassurer que tout s'il y a vraiment de vrais disciples. Wanafunzi wanyoshe mikono juu tu waone. Si vous êtes disciple, kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Ce passage vous concerne. Ujumbe hii ni yako. Alléluia. Amen. Donc vous êtes déjà dans le processus. Wewe uko ndani ya mpango wa mabadiliko. Dieu il t'a choisi. Mungu amekuchagua. Si Dieu ne t'avait pas choisi, kama asingeli kuchagua, probablement tu ne serais pas à ce lieu. Aungeli kuwa tanafasi hii. Mais le fait qu'il a prévu que tu sois là, sababu alianda kwamba uwe hapa, il est en train de te rapprocher. Hiko na kukaribisha. Alléluia. Na kusogeza. Le processus d'établissement, mupango wa kushimikwa, commence par la déconnexion. Unaanza wakati unatengwa na. Quand Dieu dit je suis entré, je t'ai choisi. Mungu anasema nimekuchagua. Dans une foule il t'a mis à part. Ndani ya kundi amekutoa na amekuweka kando. Parce qu'il a un travail avec toi. Maana ana kazi ya kufanya na wewe. La première chose qui arrive quand Dieu il vous établit. Kitu ya kwanza inafika wakati Mungu anakushimika. Nous allons la trouver dans Ephésiens chapitre 1er. Ipo katika Waefeso 1. Le verset 13. Sura yake ya 10 na 3. Le verset 14. Na 10 na 4. J'aime beaucoup ce passage. Napenda sana mstari hii. J'aime beaucoup ce passage que Paul a écrit. Il dit, en lui, vous aussi. Est-ce qu'on peut lire ensemble si vous avez votre Bible? Kanisa, c'est projeté aussi. On peut y aller s'il vous plaît. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Vous allez souligner, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Weka kistari hapo, mumeshimikwa, mumepigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Lorsque Dieu vous établit, wakati Mungu anakushimika, lorsque Dieu vous met à part pour lui, wakati Mungu anakuweka kando kwa ajili yake, il y a une opération spirituelle qui se passe. Kuna kazi ya kiroho inapitika. Si vous avez toujours lu ce passage superficiellement, kama ulikuwa ukisoma usomi huu juu juu, j'aimerais que ce soir, ningelipenda jioni ya leo, tu prennes l'occasion de méditer davantage sur le sens vous avez été scellé du Saint-Esprit. Ukamate muda wa kutafakaria mumepigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Enseignez encore avec moi disant au bien-aimé tu as été scellé du Saint-Esprit. Mwambie jirani yako umepigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. L'apôtre Paul utilise une image forte. Paulo anatumia picha ya muhimu. Pour nous aider à comprendre une vérité essentielle. Kwa kutusaidia kuelewa ukweli wa muhimu. Le cachet c'est quoi en fait? Muhuri ni nini? C'est une marque. Muhuri inakuwa ni picha. C'est comme une empreinte. Ni picha ambayo unawekwa. C'est comme un symbole. Inakuwa ni alama. Qui donne l'authenticité. Ambayo inakupatia ukweli kweli. Qui donne la validité. Ambayo inakupatia ukweli. Qui donne l'approbation. Ambayo inakupatia mamlaka. Alléluia. Amen. Dans la vie séculière, katika maisha, dans la vie normale, katika maisha ya kawaida, même la question du cachet remonte de l'Antiquité. Jambo la muhuri ni la zamani. Lorsque vous voyez un document, unapona document, et que vous voyez un cachet sur ce document, na unaona muhuri juu ya document, il y a plusieurs choses que ce cachet peut vous signifier, peut vous renseigner. Iyo muhuri inaweza kumaanisha mambo mengi. La première chose c'est qu'il vous renseigne sur l'origine du document. Jambo ya kwanza inakuambia hii inatokea wapi kibarua. Ça vous renseigne sur la personnalité de la personne qui a écrit le document. Inakupatia picha ya mamlaka ya mtu aliyeandika kibarua. Alléluia. Amen. Ça vous renseigne sur l'autorité et le pouvoir. Inawazungumuzia kuhusu uwezo ya huyo mtu ni gani. Le cachet vous renseigne sur l'appartenance du document. Muhuri inakuonesha kama hii document inatokea sehemu gani. Maintenant dans le monde diplomatique, katika ulimwengu wa kidiplomasia, lorsque vous voyez un cachet sur un document, unapona muhuri kwenye kibarua, et que tu n'es pas destiné à recevoir ce document, na wewe hauna mamlaka ya kupokea hiyo kibarua, tu as l'obligation d'aider ce document à arriver à sa destination. Wewe unakuwa na budi la kusaidia hiyo kibarua kifike kwa nafasi yake. Alléluia. Amen. Dans la réglementation au niveau international, ndani ya kanuni za ki ulimwengu, lorsque vous voyez un document qu'on appelle scellé diplomatique, unapona kibarua ambacho wanasema ni kidiplomasia, vous renvoyez ce document dans la sphère où elle doit être absolument. Unatuma hiyo kibarua pa nafasi ambapo inastahili kuwa. Et vous pouvez risquer votre vie si vous hasardez à toucher à ce document. Na ukijaribu kuigusa unaweza hata kukufa. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis simplement en train de vous montrer le sens d'être scellé par l'Esprit. Le cachet qui est sur le document, muhuri ambao uko kwenye kibarua protège le document, inakinga barua hiyo, sécurise le document, inalinda barua hiyo, dit que le document est authentique, inasema kwamba hii barua ni ya kweli. Quand la Bible déclare nous avons été scellés par le Saint-Esprit, inaposema tulipigwa muhuri wa Roho Mtakatifu, il y a un langage, il y a un message dans le monde de l'Esprit. Hapo katika ulimwengu wa roho pana ujumbe kubwa. Alléluia. Amen. Il y a un message qui est communiqué dans le monde des esprits. Katika ulimwengu wa roho pana ujumbe wa ajabu umetolewa. Pour dire que cette personne appartient à Dieu. Ni kusema huyu mtu ni biashara ya Mungu. Biashara ni mali ya Mungu samani. Cette personne appartient à Dieu. Huyu mtu ni mali ya Mungu. Mais cette personne est authentique. Huyu mtu ni wa kweli. Alors vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? Mnajua habari njema ni gani? Avant de sceller un document, kabla ya kuweka muhuri kwenye kibarua, si c'est le boss qui doit le sceller, kama ni kiongozi ndiye ataweka muhuri, le document passe par une certaine administration. Hiyo kibarua inapitia ngazi mbalimbali. On essaie de vérifier la forme. Wanatizama namna gani imeandikwa. On essaie de vérifier le fond. Wanaona nini iko ndani. Pour se rassurer que le boss peut maintenant signer. Kwa kuhakikishwa kama kiongozi anaweza kuweka muhuri. Et quand le boss signe, na wakati kiongozi anaweka muhuri, ça veut dire validé. Inamaanisha imekubaliwa. Le document peut sortir. Hiyo kibarua kinaweza kutoka. Il peut faire son action. Ninaweza kufanya kazi zake. Quand nous avons été scellés par le Saint-Esprit, wakati tumepigwa muhuri na Roho Mtakatifu, ton cas a été géré dans une administration divine. Inamaanisha kwamba katika ngazi za kimungu. Et quand le dossier est arrivé devant Dieu, jambo lako lilihusika na lipofika, il a regardé le fond et la forme. Alitizama undani wake. Il a dit je scelle par mon esprit. Nakasema naacha roho wangu. Pour dire que la personne je valide. Inamaanisha na samini huyo mtu. Je l'authentifie. Na mkubali. Elle peut sortir. Anaweza kutoka sasa. Être scellé par l'esprit, ça veut dire que Dieu vous approuve. Ça veut dire que Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. Mungu amekupa yote. Ça veut dire que Dieu dit vous devez respecter la personne. Apo Mungu anasema mheshimu huyo mtu. Vous devez l'aider à accomplir sa mission. Msaidie atimize hatima yake. Alléluia. Amen. Vous savez même quand une valise diplomatique arrive à la douane, wakati bag ya kidiplomasia iko kwenye douane, il y a d'autres véhicules qui doivent s'arrêter. On laisse d'abord de faire des choses pour s'occuper que vuke kwanza. Kuna magari wanasimamisha ili kwamba hiyo mzigo ya kidiplomasia ipite kwanza. Je prie que dans le monde des esprits. Naomba katika ngazi za roho. Lorsque le sceau de l'esprit va être lu sur toi. Wakati wanasoma hiyo muhuri wa Roho Mtakatifu. Que les barrières s'ouvrent elles-mêmes. Mipaka ijifungue yenyewe. Parce qu'ils reconnaissent ton origine. Maana wanajua wapi natokea. Parce qu'ils reconnaissent que tu as été validé par Dieu. Maana wanatambua kwamba wewe umekubaliwa na Mungu. Il nous a scellé par son esprit. Alitupatia muhuri wa Roho Mtakatifu. Tu as été scellé par l'esprit. Pewa muhuri wa roho. Personne ne peut mépriser ta valeur bien-aimé dans le Seigneur. Hakuna ambaye anaweza kudharau thamani yako. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu a scellé ma vie de son cachet, kama Mungu ameweka muhuri yake juu ya maisha yangu. Sasa mtu akinichamba njoo mimi nakuwa sasa mwenyewe napoteza valeur. Si quelqu'un m'injurie, ça fait que je perds ma valeur. Même si quelqu'un est en train de m'humilier, hata kama mtu iko na ni aibisha, iko na nishusha, on a pua sabi tu gagne, ça n'a rien. Ça, mon poids a été validé devant le trône du Seigneur. Même s'il t'appelle macrocéphale. Alléluia. Cela a été validé par Dieu. Non, la Bible, ce ne sont pas mes phrases. J'étais en train de méditer sur la beauté et la force de ce passage. Alléluia. Amen. Et si tu penses que mon nez n'est pas bon, les circonstances de Dieu permettront qu'il ait la forme que Dieu a prévue. Hallelujah. Amen. Si tu penses que ma forme n'est pas celle qu'il faut que j'aie, ukiwaza kama hali nilionayo ya pua haiko njoni nilipasha kuwa nayo, celui qui m'a validé, yule mwenye alinipatia muhuri, il connaît à quel moment il va retravailler encore ma forme. Anajua muda ambapo atatumika tena mambo. Hallelujah. Amen. Ne nous inquiétons pas. Apana kuofu. Lorsque vous avez été établi wakati par Dieu. Wakati Mungu amekushimika. La première chose qu'il dit qu'il fait. Jambo la kwanza ambalo anafanya. Il donne le cachet spirituel. Anakupa muhuri wa kiroho. Et je veux que tu sois content que tu es cacheté par Dieu ce soir. Furahia maana umepewa muhuri. Tu portes le sceau de Dieu. Una muhuri wa Mungu. Tu portes le cachet de Dieu. Una muhuri wa Bwana. Nous avons été scellés par son esprit. Tumepewa muhuri wa Roho Mtakatifu. Et le cachet il nous authentifie. Muhuri huo unatufanya kuwa wa kweli. Le cachet nous valorise. Unatupa samani. Il y a des gens qui ne vous toucheront pas parce que dans l'esprit ils ont vu ce qui est sur vous. Pana watu hawatawagusa kamwe maana katika ngazi la roho wanaona kile kilicho juu yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cacher sur un document muhuri juu ya kibarua peut même permettre qu'on réquisitionne un véhicule pour amener une enveloppe. Kinaweza kufanya kwamba waite gari ili kwamba ibebe hiyo barua. Que le monde des esprits soit réquisitionné pour te prendre en charge. Acha ulimwengu wa roho usimame kwa kuweza kukusamini. Je ne sais pas comment ça peut être, mais ce qui est vrai, Dieu est capable de le faire. Sijue je, lakini Mungu anaweza kuyafanya. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. Mungu ana mamlaka ya kuyafanya. Pourquoi nous avons été scellés par l'esprit? Sababu gani tumewekwa muhuri na Roho Mtakatifu? Pourquoi le Seigneur il nous scelle par son esprit? Sababu gani Mungu anatupatia muhuri wa roho wake? Le verset 14 est intéressant. Mustari wake wa 14. Le verset 14 dit, Nasema, je vais commencer au verset 13. Tunaanza kumstari wa 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit umewekwa muhuri na Roho Mtakatifu, qui avait été promis ambaye aliahidiwa, et qui constitue na ambaye anakuwa, un gage de notre héritage. Utajiri, akiba ya utajiri yetu. Le cachet que Dieu met sur nous, muhuri ambao Mungu anaweka juu yetu. Le Saint-Esprit que Dieu il nous donne. La Bible déclare qu'il constitue un gage de notre héritage. Arabuni, oh, asante sana. Le gage de notre héritage. Vous savez, le gage, c'est un langage encore que Paul a utilisé. Un jour, il y a quelques jours, on voulait payer un loyer pour un business qu'on va démarrer bientôt avec quelques amis. Tulitamani kulipa nyumba kwa ajili ya business moja ambayo ilibidi tufanye na warafiki. Ça devra attendre peut-être 2 ou 3 mois. Ilibidi tusubiri. Et nous avons aimé l'endroit absolument. Tulipenda hiyo nafasi. Et la personne qui nous dit, oui, je vous vois, mais bon, quelle est la garantie que vous allez continuer à payer ou vous allez prendre la maison? Na huyo mtu akasema ndio mimi nawaona lakini kitu gani itanihakikisha kwamba mtachukua nyumba hii? Est-ce que vous pouvez laisser un gage? Je, mnaweza kuacha hakikisho? Est-ce que vous pouvez payer un acompte? Mnaweza kuacha hakikisho mlipe mbele kitu kidogo? Est-ce que vous pouvez payer ce qu'on appelle un dépôt de sécurité? Unaweza kuacha kitu cha kunihakikishia kwamba uta kuja. Est-ce que vous pouvez me rassurer que vous viendrez prendre cette maison? Munaweza kunihakikishia kwamba munaweza mtarudi kuchukua nyumba yangu. Et nous avons payé même pour 3 mois anticipatifs. Na tulilipa miezi 3. Alors, Paul est en train de dire le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est le gage de notre héritage. Yeye ni hakikisho ya urithi wetu. Autrement, inamaanisha, il est simplement en train d'utiliser un langage. Ako nasema hivi. Il dit, même si tu as des doutes, hata kama uamini, le sceau que tu as reçu de la part de Dieu, muhuri uliopewa, c'est un acompte que Dieu t'a donné. Inakuwa ni hakikisho tayari. Autrement, Dieu est en train de te dire, je paierai la totalité de la facture. Hapo Mungu yuko nasema, nitalipa yote na yobaki. Je paierai tout. Nitalipa yote na yobaki. Si tu as des doutes ce soir, kama auamini, voici un passage biblique qui dit, kizama musari nasema, tu as déjà reçu le gage. Umeshapata hakikisho. Tu as déjà reçu la compte. Dieu a placé le dépôt en toi. Et il veille sur ce dépôt. Anasimama akitizama vizuri hiyo kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà versé la compte par rapport à la mission qui te confie. Mungu ameshalipa tayari kitu fulani kulingana na kile anaandaa juu yako. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas mes phrases. Si misemo yangu. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Si tu as l'impression que tu ne vois pas encore quelque chose, kama hujaona kitu, tu peux simplement prendre ta Bible, tu dis Seigneur, chukua Biblia na useme Bwana, tu as dit que tu as déjà payé la compte. Ulisema kwamba ulishalipa tayari hakikisho. Et le Saint-Esprit est là. Na Roho Mtakatifu ni hapo. Et la suite de la facture est où, Seigneur? Na inayobaki iko wapi Bwana? Pour que je puisse accomplir ta mission. Ili kwamba nitimize mission yako. Alléluia. Amen. Vous êtes heureux ce soir. Muko wenye heri jioni leo. Parce que vous avez reçu la marque de Dieu. Maana mumepigwa muhuri wa Bwana. Vous êtes sécurisé par Dieu. Mumekingwa na Mungu mwenyewe. Tu vas être respecté. Utaheshimiwa. Tu vas être honoré. Utaheshimiwa. Il faut que tu intègres cette vérité en toi. Kubali ukweli hii ndani mwako. Alléluia. Amen. Je le dis encore ici dans un culte. Nilisema kwenye ibada moja hapa. Même si quelqu'un il te chasse de son travail, hata kama mtu anakufukuza mkazi yake, ça ne diminue pas ta valeur. Aishushe samani yako. Il est possible que Dieu entre simplement de te relocaliser. Yawezekana Mungu iko nakubeba nafasi nyingine. Pour te mettre sur la bonne voie. Ili kwamba akuweke kwa njia nzuri. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des postes qui ne contiennent pas la taille de votre destin. Unajua kuna zingine makazi ambapo upo na haiko kimo ya uwezo wako. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Niko naongea na mtu jioni ya leo. Il y a des places qui ne vous contiennent plus. Kuna makazi zenye hazikuenei. Et Dieu peut remarquer que toi tu ne comprends pas. Na Mungu anaweza kuona kwamba wewe haujaelewa kwamba hii si nafasi yako. Il vient juste te bousculer un peu. Na anakusukuma kidogo. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te bouscule. Naomba Mungu akusukume kidogo. Parce que parfois nous en avons besoin. Maana muda fulani ni ya muhimu. Alléluia. Amen. C'est pour cela ne soyez jamais ne vous sentez jamais humilié ou méprisé. Ndio maana usijisikie kuaibishwa. Après tu dis mon Dieu me connaît. Sema Mungu ananijua. Il m'a choisi. Amenichagua. Il m'a établi. Amenishimika. Il m'a choisi. Amenichagua. Frères et sœurs, Dieu t'a choisi. Kaka dada Mungu amekuchagua. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Je kuna kitu kizuri kuliko hicho. Et il a payé la facture, la compte. Na amelipa tayari hakikisho ya bei. Pour te rassurer qu'il paiera la totalité il de frais. Kwamba, ujue kwamba atalipa yote na yobaki. En tout cas, moi je vous parle ce soir, je crois que toute la provision pour moi elle est en route. Mimi na waongelesha nikiwaambia kwamba naamini kama yote yangu iko njiani. La provision pour cette église elle est en route. Akiba juu ya kanisa hili ni njiani. Reçois seulement ce que Dieu est en train de te communiquer. Pokea kile Mungu yuko na kukupatia. Et sois posé dans la présence du Seigneur. Na tulie ndani ya uwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui arrive. Jambo la pili linalofika. Quand Dieu vous établit, Mungu anapokushimika, il vous introduit dans une alliance avec lui. Anakuingiza katika agano na yeye. Il vous introduit dans une alliance. Anakuingiza ndani ya agano. Dites avec moi alliance. Sema pamoja nami agano. Alliance. Agano. Voyez ces jeunes garçons pauvres. Tizama uki jana masikini. Regarde cette jeune fille pauvre, mais qui vient se retrouver amoureuse d'un garçon qui vient d'une famille riche. Ambaye anapenda yule mpenzi wake wa jamaa la utajiri. Le jour du mariage, siku ya ndoa, tout change. Yote nabadilikaka. Le statut change. Anakuwa mtu mwingine naye. Alléluia. Amen. L'alliance change le statut. Agano inabadilisha nafasi. L'alliance vous repositionne. Agano inakupa kiti. L'alliance vous restaure. Agano inakurekebisha. L'alliance donne l'équipement que vous n'aviez pas. Agano inakupa utajiri ambao haukukua nao. L'alliance vous connecte. Agano inakuconnect. Je prie que ce soir Dieu te connecte. Naomba jioni leo Mungu akupatanishe. Le connecte, la connexion avec Dieu. Upatanisho na Mungu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si ninyi mumenichagua. Mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Ni mimi nimewachagua na kuwashimika. Quand vous êtes établi, wakati mnashimikwa, Dieu il vous introduit dans son alliance. Mungu anawaingiza katika agano na yeye. Et quand il vous introduit dans son alliance, awaingizapo katika agano naye, il vous connecte à sa sphère d'opération. Anawakutanisha na uwanja wake wa kutenda. L'alliance transforme bien-aimé dans le Seigneur. Agano inabadilishaka mpendwa. Alléluia. Amen. Et je vois ce soir Dieu en train de connecter ses enfants. Jioni leo Mungu iko na leta connection kwa wana wake. Je vois Dieu en train de repositionner quelqu'un. Mungu iko na patia watoto wake nafasi. Je vois Dieu en train d'honorer quelqu'un. Mungu iko na heshimisha watu. Je vois Dieu en train de te redonner ta vraie place. Mungu iko na kupa nafasi yako inayofaa. Je vois Dieu en train de faire de toi un térébent. Mungu iko nafanya uwe chombo cha kielelezo. Lorsque vous lisez dans Esaïe 61, ukisoma Isaya 61, lorsque parle de l'œuvre de l'esprit, wanapongelea kazi za roho, qui est en train d'aller vers les opprimés, ambaye akana kwenda kwenye wanaoteseka, les affligés, wale wanaojuta, les prisonniers, wafungwa, les aveugles, wipofu, les malades, magonjwa. À la fin, j'aime la conclusion. Kwa mwisho napenda hiyo. Au verset 3e, sura ya 3, il dit pour faire de ces personnes visitées par l'esprit, ili kwamba afanye wale watu waliotembelewa na roho, des térébintes de la justice. Wawe mam, wawe chambo cha kielelezo cha haki. Une plantation de l'Éternel. Wawe une plantation de l'Éternel. Wawe shamba ya Mungu. Pour servir à sa gloire. Kwa kuweza kuonesha utukufu wake. Quand Dieu vous établit. Wakati Mungu anakushimika. Si vous étiez un affligé. Kama wewe ulikuwa ukiteseka. Il ôte l'affliction. Anaondoa mateso juu yako. Si vous étiez aveugle. Kama ulikuwa kipofu. Par son esprit. Kwa roho wake mtakatifu. Il ôte l'aveuglement. Anaondoa upofu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Kuna wanawake na wanaume qui wengi. Porte l'établissement de Dieu. Ambao wanakuwa na kushimikwa na Mungu. Mais qui sont encore comme des aveugles. Lakini wao ni kama vipofu. Il y a des opprimés Kuna wenye kuteseka. La vie vous a opprimé. Maisha imekutesa. Les circonstances vous ont opprimé. Majira imekutwanga chini. Les mauvaises paroles vous ont détruit. Maneno mabaya yamekubomboa. Mais quand l'esprit de Dieu vient sur toi, wakati Roho anakuja juu yako, il enlève l'affliction. Anaondoa hiyo. Il enlève l'opprobre. Anaondoa hiyo. Il enlève la honte. Anaondoa hiyo haya. Afin de faire de toi un térébinthe. Ili kwamba akufanye chombo cha kielelezo. Alléluia. Amen. Vous savez, bibliquement, le térébinthe, c'est un arbre majestueux. Unajua hiyo chombo cha kielelezo nakuwa ni muti mkubwa. Vous savez, parfois nous lisons la Bible tunaweza biko nasema tu mamiti. Non, c'est ça de c'est comment on appelle figure de style. Inakuwa ni namna ya kusema. Quand Dieu dit au travers de ce passage afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Ili kwamba tuwaite vyombo vya kielelezo. Mais quand tu vois au premier verset au deuxième, uko kwa mstari wa kwanza na wa pili. C'était des malheureux. Ilikuwa ni wenye mateso, c'était des affligés, wenye kulia kabisa, c'était des opprimés, wenye kuteseka, c'était des affligés, watu wenye mateso, c'était des personnes misérables, watu ambao wamejishindwa. Mais quand l'esprit de Dieu vient, wakati Roho anakuja juu yao, et que Dieu fait porter son choix sur eux, na Mungu anawachagua, et que Dieu les choisit pour les utiliser, Mungu anawachagua kwa kuwatumikisha, Dieu dit il veut faire de ces personnes là des térébintes. Bwana anawafanya kuwa vyombo vya vielelezo, un arbre majestueux, anakuwa muti kubwa, puissant. Yenye nguvu. Je prie que Dieu fasse de toi un arbre puissant. Mungu akufanye kuwa mti glorieux, nguvu, la utukufu. Majestueux. Kubwa zaidi. Ceux qui t'ont connu affligé. Waliokujua ukiwa na mateso. Ceux qui t'ont connu opprimé. Waliokujua wakati ulikuwa nalia lia. Mais quand Dieu il t'établit. Wakati Mungu anakushibika. Il enlève l'affliction. Anaondoa hiyo haya. Mon Dieu enlève l'affliction ce soir. Anaondoa haya. Ôte l'oppression. Ondoa kuteseka. Afin que nous soyons la plantation de l'Éternel. Ili kwamba tuwe shamba lako Mungu. Voyez avec moi le verset 9 qui est intéressant dans ce passage. Allez au verset 9e. À la fin, on parle toujours de ces personnes qui étaient malheureuses mais qui ont été visitées par Dieu. Et leur race sera connue parmi les nations. Quand Dieu vous établit, il n'y a pas de choix. Il va vous distinguer. L'établissement vient avec la distinction. Qu'on le veuille ou pas, la Bible déclare leur race sera connue parmi les nations. Que la race de l'église Arche soit connue parmi les peuples et les nations. Les noms et les hommes et les femmes reconnaissent que Dieu est avec nous. Watu wa Dieu kama Mungu ni pamoja nasi. Et leur postérité parmi les peuples. Na vizazi vyao miongoni mwa taifa. Et tous ceux qui le verront. Na wote watakao waona. Lisez avec moi cette portion. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ma prière ce soir, ceux qui te verront reconnaissent que tu es une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous établit, il vous distingue. Et j'appelle la force de la distinction ce soir. La force de la distinction, Seigneur. Nous ne pouvons plus continuer à rester les mêmes personnes. Notre génération et notre postérité doivent être distinguées, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Bonne santé. Oh, qu'il est merveilleux que tu puisses continuer ce programme jusqu'à la fin. Ni vema kuendelea na mpango huu mpaka mwisho. Parce qu'il y a un processus de connexion et de déconnexion. Maana kuna kuwa mpango wa kukua connect na kuondolewa katika connection fulani. Dieu te connecte de ton environnement parce que lorsque tu es établi, il doit te connecter. Bwana anakutoa kwenye mazingara yako. Na anakubeba nafasi fulani. La meilleure connexion dans la vie, qu'on se le dise, c'est Dieu. Connection kubwa katika maisha ni Mungu. La meilleure connexion dans la vie, c'est la connexion avec Dieu. Connection kubwa katika maisha ni kuwa katika uwasiliano na Mungu. Il a la capacité de parler à des personnes à qui on ne peut pas parler. Yeye anaweza kuongea na watu ambao wewe hawezi kuongea nao. Il a la capacité de préparer leur cœur à vous écouter. Mungu anaweza kandea mioyo yao ili kwamba wakusikilize. La meilleure connexion dans la vie, c'est la connexion avec Dieu. Connection kubwa ni kuwa que Dieu te donne la grâce d'entrer dans la véritable connexion avec Dieu. Ingia katika uwasiliano na Mungu. Là où tu n'as pas les vrais mots que Dieu parle pour toi. Là où tu n'as pas les vraies paroles que la connexion divine parle pour toi. Et lorsque tu es établi par Dieu, tu es connecté. Mungu anapokushimika, unakuwa connecté na yeye. Ah, tu kuna chunga basinye kwanza hii makaratasi. Hapana, ya Mungu ni connection inaenda haya. Nous attendons qu'on signe ces papiers. Non, lorsque Dieu te connecte, les choses vont de soi. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Seigneur, connecte-nous à toi. Bwana, tu connecte kwako. Connecte-nous à toi, Seigneur. Tukutanishe na wewe. Troisième chose pour terminer. Jambo la tatu kwa kumaliza. Lorsque Dieu vous établit, Mungu anapowashimika, il vous introduit dans son calendrier. Anawaingiza katika oroza yake. Que Dieu t'introduise dans son calendrier. Mungu akuingize kwenye oroza yake. Que Dieu t'introduise dans son calendrier. Mungu akuingize kwenye oroza yake. Lui qui gère le temps et les saisons. Yeye anayelinda majira na nyakati. Et qui est capable de faire concourir les circonstances à notre faveur. Na anaweza kufanya kwamba majira yote iwe kwa faida yetu. Il est capable de changer le temps et les circonstances. Anaweza kubadilisha nyakati na majira. Alléluia. Amen. Certains humains voudront créer des circonstances pour toi. Kuna watu wanaweza kupenda kuunda majira fulani juu yako. Mais Dieu est capable de s'interposer. Lakini Mungu anaweza kuyasimamisha. Alléluia. Amen. Je vous ai partagé un témoignage personnel ici. Niliwaambia jambo moja na unihusu hapa. Il y a quelques années, j'étais dans mon bureau. Kuna miaka fulani nilikuwa katika office langu. Je reçois un de mes superviseurs. Nikampokea mtu mmoja anayenichunguza. Comme si de rien n'était. Kama jinsi akukukua kitu fulani. Il n'a même pas été courtois. Akukua hata mpole na mimi. Il dit que nous pensons que c'est le temps de se séparer avec toi. Anasema tunazana kama ni muda ya kujitenga na wewe. Tu kunakunya kahawa, c'est toi qui m'as invité pour le café. Njo tu yulinitia hii kabisa. Nous prenons le café, tu m'as juste invité pour ça. Sans courtoisie. Bila hata kicheko mdomoni. Sans pudeur. Bila hata adabu na savez, ukarimu. Les humains disent que parfois bana kupanyardaka kisu kumugongo. Wanadamu wanasemaka des fois wanakuchomekaka kisu kwenye mgongo. Mais il y a des gens qui vous poignardent en face. Lakini kuna wengine wanakuchomeka kisu wakikuona mecho. Même si quelqu'un te poignarde en face. Hata kama mtu anakuchomeka kisu akikuona mecho. Ayez le courage de le dire. Kuona nguvu ya kusema. La justice de Dieu est au-dessus de l'injustice. Haki ya Mungu ni juu ya kukosa haki ya wanadamu. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas quelle force Dieu m'a donné. Si Dieu nguvu gani Mungu alinipatia. Autant qu'il me regardait à face. Wakati alikuwa ananiona. Je n'ai pas baissé mes yeux. Si kushusha macho chini. Je le regardais aussi à face. Na mimi nilimfungulia macho. C'est quand même un superviseur, mais je dis ce courage là, c'est pas un courage naturel. Yeye ndiye ananichunguza lakini nikasema hii bidii alionayo haiko bidii ya kawaida ni mapepo tu hii. Je me suis toujours rappelé des mots que je lui ai dit. Mimi nakumbukaka maneno nilimwambia hiyo siku. Je lui ai dit, nilimwambia, mon destin est grand. Hatima yangu ni kubwa. Je suis enfant de Dieu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Ce que vous faites est injuste. Kinyo nafanya haiko haki. La justice de Dieu est au-dessus de l'injustice humaine. Haki ya Mungu ni juu ya ukosefu wa haki ya wanadamu. Et j'ai conclu à disant mon avenir est garanti. Nikamwambia kesho yangu imelipwa tayari. Alléluia. Ni nzuri. Après je suis rentré, je me dis mais c'est quel courage même pour parler comme ça. Nyuma nikaza jiuliza ni bidii gani nilipata kwa kuweza kumwambia hivyo. Je suis allé dans ma chambre après. Nilikwenda kwenye chumba changu baadaye. Je suis agenouillé. Nikapiga magoti. Je dis Seigneur. Nikasema Bwana. Quand tu as donné, wakati umepana, tu es Dieu. Ulikuwa Mungu. Et si tu permets que ça parte, na unaporuhusu kiende, tu restes Dieu. Wewe unabaki Mungu. Je bénis le Seigneur ce soir. Na mbariki Bwana jioni ya leo. Il m'a honoré. Aliniheshimisha. Sa justice. Haki yake. Pour l'homme et la femme établi. Kwa ajili ya yule aliyeheshimishwa. Elle vous défendra. Itakutetea. La justice de Dieu. Haki ya Mungu. Vous introduit dans le calendrier de Dieu. Inakuingiza kwenye oroza ya Mungu. Même s'il y a des humains qui veulent créer des circonstances. Hata kama pana wanadamu wanapenda kuunda majira. Dieu récupère ces circonstances. Wana anachukua yale majira. Il récupère ces circonstances. Anayachukua. Mon Dieu récupère les circonstances de quelqu'un ce soir. Anachukua majira ya mtu jioni ya leo. Pour l'introduire dans ton calendrier. Kwa kumuingiza kwenye oroza yako. Tu es heureux si tu es établi par Dieu. Huko mwenye heri wakati unashimikwa na Bwana. Alléluia. Amen. La justice de Dieu. Haki ya Mungu. Est au-dessus de l'injustice humaine. Ni juu ya ukosefu wa haki ya wanadamu. Laisse les humains faire ce qu'ils peuvent faire. Acha wafanye venye wanataka. Reconnais que tu es établi par Dieu. Tu vois comment ni Mungu amekushimika. Reconnais qu'il y a une connexion divine que tu as. Tu vois comment kuna wasiliano uliona na Mungu. Il est possible que Dieu entre simplement de te délocaliser. Yawezekana Mungu kutu na kubeba nafasi fulani. C'est toi qui ne comprends pas. Lakini wewe ndiye uelewi. Alléluia. Amen. Les choses arrivent à une vitesse que Dieu lui-même a déterminée. Mambo nafikaka kwa mbio ambayo Mungu mwenyewe aliamua. C'est pourquoi notre papa nous a enseigné connaître Dieu. Ndio maana baba yetu ametufunza kuhusu tumjue Mungu. Lorsque tu t'intègres intègres, tu comprends ce que Dieu attend de toi. Wakati unaelewa kila ambacho Mungu anachunga kwako. Il y a des choses qui s'accélèrent. Kuna vitu vinaanza kukimbia. Il y a des choses qui arrivent avec vitesse. Vitu vinaanza kuja kwa haraka. Je prie que la vitesse vienne dans ta vie. Naomba roho ya haraka ikuje. Je prie que Dieu t'aide à comprendre. Mungu akusaidie kuelewa. Et que la provision s'accélère à venir. Na akiba ije kwa haraka kubwa. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin d'attendre les choses qui vont arriver après nous. Hatuna budi ya kuchunga vitu vya kukuja nyuma yetu. Il y a des choses que nous voulons vivre maintenant. Kuna vitu tunapenda tuishi leo. Et nous allons les vivre avec le Seigneur. Tutayaishi pamoja na Bwana. Car Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Sababu Bwana ndiye anabadilisha nyakati na majira. Alléluia. Amen. Ce soir, je crois fermement à la puissance de Dieu. Naamini nguvu za Mungu. Qui nous a convoqués dans ce rendez-vous. Mungu aliyetuita kwenye mkutano huu. Qui a voulu que nous comprenions qu'il y a un mystère derrière l'établissement. Mungu aliyeruhusu ya kwamba tuelewe kwamba kuna siri iliyo nyuma ya kushimikwa. Quand Dieu vous établit, Mungu anapokushimika, vous êtes scellé par son esprit. Wewe umewekwa muhuri wa roho wake. Quand Dieu vous établit, Mungu anapokushimika, il vous introduit dans l'alliance avec lui. Anakuingiza katika agano na yeye. Cette alliance qui vous repositionne. Iyo agano inakupa kiti. Cette alliance qui vous restaure. Iyo agano inakujenga upya. Quand Dieu vous établit, Mungu anapokushimika, il vous introduit dans son calendrier. Anakuingiza katika orodha yake. Et les choses pour lesquelles certains attendront la vieillesse. Yale mambo ambayo wengine wanachunga kwa uzee. Dieu va te les donner avec vitesse. Bwana atayakupa na haraka kubwa. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le roi des rois? Tusimame na kumchapia Bwana makofi. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Simama umpatie Mungu makofi na vigelegele. Acclame Jésus. Mchapie Bwana makofi makubwa. Acclame Dieu qui t'a établi. Shangilia Mungu aliyekushimika. Acclame le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Oh! Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. J'aimerais qu'on rechante encore toi et nous à Jina Lako Ju. Tuimbe hiyo nyimbo. Kila goti litapigwa mbele ya Yesu. Tuimbe pamoja na kwaya. Kanisa tuimbe pamoja na kwaya. Profond ce cœur. Ni nyimbo njema. Nous élevons ce soir encore Jésus. Tumuinue Yesu jioni ya leo. Nous élevons le nom de Jésus. Tuinue jina la Yesu. Nous élevons sa souveraineté. Tuinue ukubwa wake. Lui qui nous a établi. Yeye aliyetushimika. Il y a un avenir pour toi et pour moi. Kuna kesho njema kwako na kwangu. Il y a un avenir pour toi et pour moi. Kuna kesho njema juu yetu. Un avenir meilleur bien-aimé. Njema kesho njema. Tunainua jina la Yesu tu. Tunainua jina la Yesu. Tunainua jina la Yesu tu. Kila goti lipigwe. Kila goti lipigwe. Mbele zako. Chante avec conviction. Wait.